Salut à tous et bienvenue sur le troisième podcast de la Disney Big Box qui reprend le live quiz sur Disneyland Paris fait en 2021. Vous pouvez retrouver les 35 questions que nous avons utilisées sur un Google Form qu'on vous met dans la description ou alors n'hésitez pas aussi à nous dire votre résultat en commentaire sur Facebook, Twitter, Instagram ou même en message sur PodCloud. Bonne écoute et bon quiz! Et bonjour à tous, bonjour, bonjour dans le chat, bonjour à ceux qui nous regardent depuis déjà 8 minutes, on était en train de peaufiner quelques petites choses. Bonjour Max. Bonjour Alex. Comment ça va? Heureux de te voir, je te dis bonjour. Je ne t'ai pas vu du tout la journée encore. Non, pas du tout, ça ne fait pas 3 heures que nous sommes en train de préparer ce live, rien que pour vous. Super, ça fait plaisir, on vous a préparé un petit quiz aux petits oignons pour ce soir, vous allez voir, ça va être très beau, ça va être super sympa. Donc j'espère que vous avez révisé tout ce qui est musique à Disneyland Paris, parce que là, vous allez voir, on a prévu 35 questions. Réparties en 7 catégories. Nous avons 5 catégories de landes, parce qu'il y a 5 landes dans le Disneyland Park à Disneyland Paris. Il y a une partie questions en vrac et une partie spectacle et parade. À chaque fois, chaque partie, il y a 5 questions, effectivement. Si nous parlons de questions A, B, C, D ou E, c'est tout à fait normal. En fait, la question A, c'est la question facile. La question E, c'est la question la plus difficile. Je pense que nous allons pouvoir commencer d'ores et déjà ces 35 questions. Vous allez voir, il y a de quoi faire. Première catégorie, Main Street USA, qui est le land d'arrivée à Disneyland Paris. Et donc, dans quelle musique d'ambiance entend-on un chien aboyer? Est-ce que c'est dans Chinatown? Est-ce que c'est dans Hello Dolly, Everybody Wants to Be a Cat? Ou est-ce que c'est dans The Whistler and His Dog? La bonne réponse, bien sûr, était The Whistler and His Dog. Et on entend ce petit chien aboyer tout à la fin, lorsque son maître siffle. Et la mélodie est faite en sifflant. Parce que The Whistler, c'est le siffleur, et le dog, c'est le chien. Donc c'était la question la plus simple de Main Street USA, mais ne soyez pas abattus, ne vous inquiétez pas. C'est parti directement pour la question suivante. La question, comment s'appelait le cœur d'homme présent jusqu'en 1995, jolie année, à Disneyland Paris? Est-ce que c'était Main Street Quartet, voilà. Dapper Dans, Barbershop Quartet ou The Meloman? Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit Dapper Dans, certainement en pensant au et Dapper Dans Haircut, et non, c'était le Main Street Quartet. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Maxime? Bien sûr, tout à fait. Le Dapper Dans, en fait, est l'ensemble et le quatuor vocal, ou quintet, ça dépend des jours, présent en Californie et en Floride. The Meloman, c'était le quatuor vocal qui est utilisé par Disney dans les années 50, dans, par exemple, Haunted Mansion. Et le Barbershop Quartet, en fait, c'est le quatuor, c'est un quatuor du style du musique Barbershop. Et le Main Street Quartet était l'ensemble vocal présent jusqu'en 1995 à Disneyland Paris et qui parfois se représente encore dans le parc, dans les grands événements. Question suivante, attention. La numéro c'est 3. Parti. Je te laisse la lire. Alors, quel cours a lieu au 1401 Flower Street? Est-ce que c'est un cours d'eau, hein, pourquoi pas? Est-ce que c'est un cours de piano, un cours de dentiste ou un cours de claquette? Là, si vous avez lu secretdisney.com, vous devez certainement savoir. Et c'est parti, voilà, bien sûr, ce n'était pas un cours de piano, mais un cours de claquettes. Le cours de piano est sur Market Street et non pas sur Flower Street. Et Market Street, c'est la rue qui est juste en face. Exactement. Et donc, c'était bien un cours de claquettes. Et d'ailleurs, Et c'est Xavier dans ce studio qui héberge ce cours de claquettes. Moi, honnêtement, j'aurais adoré qu'on entende un cours d'eau. Mais par contre, on entend, au niveau de Victoria, on entend quelqu'un se laver. Donc peut-être que c'était ça le cours d'eau, se pourquoi pas. raser. Et se Se raser. raser. Prends une bière en terrasse, Victoria, pendant une demi-heure, quand tu entends le mec qui se coupe en se rasant, tu craques. Et c'est parti pour la question 4, donc la Numéro question 4. l'avant-dernière de Main Street USA. J'espère que vous êtes prêts. Et pour la question numéro 4, comment la partition de Take Me Out to the Ball Game est-elle représentée au Casey's Corner? Est-ce qu'elle est représentée, est-ce qu'elle est gravée sur le comptoir? Est-ce qu'elle est représentée grâce à des bouteilles vides? Est-ce qu'elle est forgée sur les barreaux des chaises? Ou est-ce qu'elle est représentée dans le carrelage du sol? Et la bonne réponse était, Alex, je te laisse la dire, parce que c'est ton secret. Et donc c'était grâce à des bouteilles vides, des bouteilles pour être précis de Coca-Cola, car beaucoup de références à Coca-Cola dans ce restaurant. Et donc des bouteilles qui représentent la mélodie. Et êtes-vous prêt pour la dernière question Main de Street Main Street USA. USA, la plus difficile? Ceci est est une question que à laquelle vous pourriez répondre si vous avez regardé les Disney Notes musicales, les petites vidéos que j'ai faites il y a environ un an. Je crois que c'était la numéro 12. Quelle est la particularité de la musique La Cloche de Noël? Est-ce que cette musique est diffusée tout le long de l'année? Est-ce qu'elle est diffusée deux fois durant la boucle de Noël? Est-ce qu'elle est synchronisée avec une cloche dans le sapin? Ou est-ce que c'est la seule musique qui est chantée? Et c'est effectivement la seule musique chantée. Oui, donc en fait sur toutes les boucles d'ambiance du Disneyland Park, même je crois des deux parcs Disney en France, c'est la seule musique qui est vraiment chantée avec des paroles, parce qu'on entend des voix. On entend des voix aussi dans Discoveryland, mais il n'y a pas de texte. En fait, c'est la Et seule voilà. fois qu'on entend du texte. Et c'est parti. Donc la seule musique qui est chantée, exactement. Et donc elle n'était pas synchronisée avec une cloche dans le sapin, ce qui serait, je pense, vraiment très beau. Et nous allons cette fois-ci passer à autre chose que Main Street USA. Nous allons passer du côté des cowboys avec Frontierland. Ok, attention, c'est parti pour Frontierland. La première question, la question la plus simple, bien sûr, vous l'avez compris, c'est parti. Quelle est la particularité des bustes de Phantom Manor? Ah non, Est-ce que bon, si, est-ce bon. que l'un de ces bustes est une femme? Est-ce que Walt Disney est sur un de ces bustes? Est-ce qu'il y en aurait un en moins par rapport à Haunted Mansion? Ou alors, est-ce qu'il chante en français? Ok, et ben la bonne réponse en fait c'était qu'il y a un buste en moins. Il y en a 5 aux USA et il y en a 4 en France. Exactement. Un de ces bustes n'est pas une femme, ça aurait été très beau, hein. Il ne chante pas en français, mais il existe une version en français. Cette version, alors moi je la connaissais de la cassette Chantons Ensemble, qui était une cassette karaoké avec 5 ou 6 chansons, voilà, version française de la vidéo Sing Along à Euro Disney. Ok, c'est parti pour la Sinon. deuxième question de Phantom Manor. La deuxième De question. Frontierland, pas de Phantom Manor, n'importe quoi, moi. La deuxième question, où est jouée cette musique? Okay. Alors, d'où vient cette musique? Est-ce que c'est de Big Thunder Mountain, de Thunder Mesa Riverboat Landing, de River Rogue Killboat ou de Frontier Land Playground? Il reste encore Gomet, Max et Backlog Prod à répondre. Pardon, j'ai pas encore répondu. Et donc, dans toute logique, c'est la fin de la question. La bonne réponse était bien sûr Big Thunder Mountain, qui, ou plus connument appelé dans parmi le commun des mortels, désolé pour les fans Disney, vous allez me cracher dessus, le train de la mine. Sachant que sur le site de Disneyland Paris, c'est écrit Big Thunder Mountain, le train de la mine. Il s'agit en fait d'un ensemble populaire folklorique américain, avec un violon, un banjo, un harmonica, des percussions, une contrebasse, et puis voilà, ça fait un petit côté country, très sympathique. La troisième question, qui est une question ouvre-l'œil dans Disneyland Paris, pour voir un petit peu les secrets musicaux. Et c'est parti. Dans quel magasin trouve-t-on une guitare derrière les caisses? Est-ce que c'est dans le magasin Big Thunder Photography, qui est à la sortie de Big Thunder Mountain? Est-ce que c'est dans le magasin Tobias Norton & Sons, le Pueblo Trading Post ou le Thunder Mesa Mercantile? Pas se mentir, c'est du pif. Et la bonne réponse était la bonne réponse est le Pueblo Trading Post. Et j'espère que vous êtes calé au niveau des Mickey cachés pour la question suivante. Quelle partie d'instrument forme un Mickey caché au Fuente del Oro? On vous aide quand même pas mal. Est-ce que ce sont les boules des maracas? Est-ce que ce sont les ouïes d'un violon? Est-ce que ce sont les calebasses d'un marimba? Où sont-ce les clés d'une guitare? Et ce sont bien les calebasses d'un marimba. Ce n'était pas les clés d'une guitare, et ce n'était encore moins les boules des maracas. Je vais donc vous montrer la photo, justement. Nous allons finir sur la question la plus difficile de Frontierland. Très précise. C'est parti. Quelle musique autre que Grim Green Ghost est joué dans la salle de musique de Phantom Manor? Est-ce que c'est Alléluia de Leonard Cohen? Est-ce que c'est la marche nuptiale de Felix Mendelssohn? Est-ce que c'est le cœur des fiançailles de Richard Wagner? Ou est-ce que c'est l'Ave Maria de Charles Gounod? Bien sûr, Maxime va nous chanter à chaque fois chacun des morceaux. Pas de souci, mais je le dirai après, parce que sinon j'ai filé la réponse. Pas sûr. Et donc c'était le cœur des fiançailles de Richard Wagner. Peux-tu nous le chanter, Max? C'est ça. Après, je peux vous faire la marche nuptiale. Et le Ave Maria de Charles Gounod, c'est Ave Maria, qui n'a rien à voir avec l'Ave Maria de Schubert qu'on retrouve à la fin de Fantasia. Et Fantasia, bien sûr, que vous retrouverez dans le dernier flanc de avec un super invité. Voilà, et précisément, le cœur des fiançailles de Richard Wagner, nous le trouverons dans l'opéra Lohengrin. C'était la question très difficile sur Frontierland. Et on est parti, maintenant on arrête avec Frontierland, c'est fini Frontierland. Et nous allons passer à une catégorie questions en vrac. Que nous avons appelé en vrac. On avait 5 questions qu'on ne savait pas où caser, donc on les appelait ça en vrac. Sur quel instrument trouve-t-on un Mickey caché au café Fantasia? Est-ce sur un piano, un saxophone, un violon ou une harpe? Un petit indice, c'est un magnifique instrument. C'était bien sûr le saxophone. Exactement. Instrument de qualité. Et attention, du coup, deuxième question en vrac. Deuxième question. Combien en vrac y a-t-il d'orgues à Disneyland Paris? Est-ce que c'est 3, Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 7? Un petit peu de rythme là-dedans. C'était effectivement 4 et non 2, ni 6, ni 7. Explique-nous un petit peu plus, Max. Il y a 4 orgues. Au début, moi, je pensais qu'il y en avait 6. Parce que j'avais compté celui des mystères du Nautilus, celui des Haunted Mansion, celui de l'orgue de Barbarie qui se situe dans le carrousel de Lancelot, et l'orgue qu'il y a sur Main Street. Et moi, en plus, j'avais compté aussi l'orgue qu'il y a dans le Victoria, et aussi l'orgue qu'il y a dans la cabane de Robinson. En fait, ce ne sont pas des orgues, ce sont des harmoniums. La différence entre les deux, c'est qu'un orgue, c'est un clavier normal avec une soufflerie et des tuyaux. Un harmonium, pour faire fonctionner, il y a des pédales au pied qui servent en fait à amener l'air. Et au début, j'ai même mis 7, parce qu'on peut compter aussi l'instrument qu'il y a dans Blanche-Neige. Mais en fait, c'est une sorte d'orgue qui n'existe pas. C'est un hybride entre un harmonium et un orgue. Enfin, bref, c'est un truc un peu improbable. Et voilà. J'aime beaucoup toutes les blagues qui ont été faites. Un orgue, ce sont les méchants dans Le Seigneur des Anneaux. Celle-là est extraordinaire. C'est une conjonction de coordination, mais où est donc Orgue Nicard? C'est comme Wisden, tu orgues de ma vie. Et moi, si un jour j'ai un orgue, je l'appellerai oui. Oh, waouh. Question suivante, la troisième question de notre en vrac. Quelle partition de Fantasia fait guise de papier peint dans le café éponyme? Est-ce que c'est la sixième symphonie de Beethoven, dite la pastorale? Est-ce que c'est la toccata et fugue en ré mineur de Bach? Est-ce que c'est la danse des heures de la Gioconda de Ponchielli? Ou la valse des fleurs de casse-noisette de Tchaïkovski? C'est le début, c'est le premier mouvement de la 6e symphonie de Beethoven, qui s'appelle donc la pastorale. Est-ce que tu pourrais la chanter à tout hasard? Et donc, c'est à quel moment de Fantasia? C'est le premier mouvement. La toccata est en premier, il me semble. Oui, la toccata. Non, en fait, ce que j'ai chanté, c'est le tout début de la pastorale. La toccata, oui, bien sûr, est le premier morceau de Fantasia. Passons à la quatrième question, l'avant-dernière de ce en vrac. Qui a écrit les paroles de Yo-ho, a pirate's life for me et Grim Grinning Ghosts? Est-ce que c'est Buddy Baker? Est-ce que c'est le professeur Xavier? Est-ce que c'est Georges Brun? Ou est-ce que c'est X Attentio? Donc, on peut dire la réponse, on a la réponse. X Attentio. Donc Xavier X Attentio. Buddy Baker a composé la musique de Grim Grinning Ghosts et puis Georges Brun a composé la musique de Yo-ho, a pirate's life for me. Et la dernière question. La dernière question la plus difficile de ce en vrac, c'est parti. Ce que nous devons juger est la plus difficile. Vous aurez un petit extrait musical juste avant pour deviner. T'aurais pu me prévenir encore avant. Entendre... Excuse-moi. J'avais totalement oublié. Encore... Merci Tristan pour le truc. Est-ce que c'est dans le Disneyland Railroad, le Visionarium, Buzz Lightyear Laser Blast, désolé c'est fort, ou Captain EO? Je laisse un petit peu, c'est tellement beau. Le temps que Gomet et Liliétic essaient de répondre. Je ne sais plus du tout si Liliétic est encore là. Je tiens à vous dire que je n'ai pas dîné et que pour compenser, je mange des blinis avec du guacamole. Autrement dit, au revoir mon summer body, juste pour vos beaux yeux. Le guacamole, c'est la vie. C'est très bon. Sachez-le, vous pouvez manger du guacamole à Disneyland Paris face au secret des calebasses du Marimba au Fuente del Oro. Et donc, la réponse, c'était le Disneyland Railroad. Et oui, on a bien dit, où peut-on encore entendre cette musique? Car cette musique provient donc du Visionarium. Je vais y arriver. Et c'était même la musique de sortie du Visionarium. Mais, comme vous le savez, le Visionarium n'existe plus. À la base, il y a donc Buzz Lightyear Laser Blast. Mais pourquoi le Disneyland Railroad? Eh oui, pourquoi on a dit, où peut-on encore entendre cette musique? C'est à cause de ceci que vous allez entendre maintenant. Bienvenue à nos nouveaux passagers. Pendant le trajet, veuillez rester assis et garder bras et mains à l'intérieur. Et s'il vous plaît, veuillez ne pas fumer. Merci. For your safety, please stay seated while the train is moving, keeping your hands and arms inside the train. And no smoking, please. À droite du train, en contrebas des rails... Donc vous entendez bien que c'est le Disneyland Railroad. Bah, dans ce quiz, on peut encore l'entendre. C'est pas faux, Charles. Et d'ailleurs, le saviez-vous, nous voyons encore 8 Eye. 9 Eye, pardon. Il fait un œil en plus. Je vais crever un œil, moi, ce robot. Ah, la fatigue. Nous voyons encore 9 Eye. Enfin, on voyait encore. Est-ce qu'ils l'ont modifié avec la nouvelle réhabilitation? Dans le Buzz Lightyear Laser Blast. Une fois que vous êtes dans le truc où vous faites bibzis là, quand vous êtes à bord de votre véhicule, en face de vous, avant la première courbe à gauche, juste en face de vous, en contrebas, quasiment en face de vous, vous voyez Nine Eye toujours là. Voilà, c'était le petit article secret Disney, rien que pour vous, que je n'ai pas encore fait puisque je n'ai pas encore la photo. Nous pouvons passer maintenant à la suite à Adventureland. Donc, Adventureland, où entend-on cette musique? Est-ce que nous la retrouvons dans la cabane du Robinson, dans le passage enchanté d'Aladin, dans la plage des pirates, ou dans Indiana Jones et le temple du péril? Et donc, la bonne réponse était, bien entendu, dans la cabane des Robinson. On l'entend aussi dans la caverne juste en dessous, parce que la caverne de Robinson est juste au-dessus. Quelle musique classique entend-on dans la file d'attente de Pirates of the Caribbean? C'était bien la marche funèbre de Chopin. J'ai mis ces quatre musiques-là dans les propositions, parce que les quatre musiques se ressemblent quand même beaucoup. Elles sont lentes, elles sont tristes, elles sont graves. Et ça fait... Et c'est parti pour la question suivante directement. On enchaîne au l'enchaînement. Nous sommes arrivés à plus de la moitié, hein, une moitié plus. Où trouve-t-on la zone orientale d'Adventureland? Pardon. C'est pas du tout ça la question. Où dans la zone orientale d'Adventureland trouve-t-on un Oud? Est-ce que c'est dans les trésors de Sherazade? Est-ce que c'est dans l'Agrava Café Restaurant? Est-ce que c'est dans les toilettes du bazar? Ou est-ce que c'est dans la girafe curieuse? Dans le magasin, la girafe curieuse. Oui. Oui. Parce que la girafe curieuse est occupée à manger le toit du magasin. Et puis à regarder les gens, parce qu'elle est un petit peu curieuse. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est... dans le magasin, les trésors de Sherazade. Question suivante, on enchaîne. Quel instrument distrait le squelette face à Jack Sparrow à la fin de Pirates of the Caribbean? Donc, est-ce une épinette? Est-ce un luth? Est-ce un clavicorde? Ou est-ce un théorbe? Attention, cette question est quand même assez difficile. Nous en sommes à la quatrième question. Elle n'est pas Disneyment pointue, mais elle est musicalement pointue. J'avoue que là, j'ai vraiment chipoté. Et donc, la bonne réponse était une épinette. En fait, une épinette, c'est une sorte de clavecin. Un clavecin, il y a le clavier devant vous. En fait, c'est un instrument à cordes pincées. Donc, il y a les petites touches de clavier comme un piano. C'est très droit, donc les cordes sont juste derrière le clavier. Une épinette, c'est comme un clavecin, sauf que les cordes, au lieu d'être en face, elles sont sur le côté. Et c'est ce que nous retrouvons dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Un clavicorde, en fait, c'est juste l'ancêtre d'un piano. Il y a un clavier comme un piano, il y a des marteaux, on appuie dessus, ça fait un son, mais c'était juste avant le piano. Et un luth et un théorbe, ce sont des guitares anciennes. Un théorbe est très très long, et puis un luth est beaucoup plus petit. Et juste au-dessus de cette épinette, nous retrouvons même une partition qui est plutôt géante, écrite en écriture du Moyen-Âge. Super intéressant ça. Ça, je le savais pas, tu vois. Et on sait de quelle partition c'est ou pas d'ailleurs ? Tu le sais ou pas ? Je t'avoue que j'ai très très mal suivi mes cours d'histoire de la musique du Moyen-Âge quand j'étais à la fac. La dernière question est la plus difficile. Et vous devez dire d'où est-ce qu'elle provient ? Où devrait-on entendre cette musique ? J'ai oublié un mot dans la réponse du... C'est près des caisses du Temple Traders Boutique. Est-ce que c'est près des caisses du Temple Traders Boutique ? Est-ce que c'est dans la salle du coffre du capitaine ? Est-ce que c'est sur le bureau dans le Colonel Hattie's Pizza Outpost ? Ou est-ce dans le camp d'Indiana Jones et le Temple du Péril ? Cette musique est très belle. On sent la question douille. Tu ne crois pas si bien dire. C'est la question E quand même, hein. C'est la question gros niveau. Tout le monde a répondu. Alors déjà, avant qu'on dise la réponse, quel est ce morceau ? Ce morceau s'appelle Rustle of Spring de Christian Sinding, joué par Queen's Hall Light Orchestra. Un très ancien morceau. Et donc... Tu as une année ? Est-ce que tu as une année de... Je ne l'ai pas marqué. Je crois que je t'ai posé la question. Je ne l'ai pas marqué, mais je sais que si jamais tu tapes Rustle of Spring et que tu tapes à côté Columbia DB2230, tu le sauras. C'est donc sur le bureau dans le Colonel Hattie's Pizza Outpost. Mais pourquoi, dit-on, où devrait-on entendre cette musique à Adventureland ? Attention, on ne l'entend pas. Où devrait-on entendre ? Je vais vous montrer pourquoi. Cette photo a été prise sur le bureau, quand vous entrez à droite, Colonel Hattie's Pizza Outpost, je vais arriver un moment. Hein. Sur la droite, il y a un bureau et vous voyez, il y a une grosse bouteille de San Pellegrino, il y a un livre du livre de la jungle d'ailleurs. Il y a également une lettre qui fait un petit peu la pub de San Pellegrino. Il y a ce tourne-disque avec ce vinyle, Columbia DB2230, avec écrit très mal, on le sait, hein. Rustle of Spring, on a passé littéralement un quart d'heure avec Maxime pour essayer de déchiffrer ce vinyle. Parce que je n'ai que cette photo. Et ce vinyle date de 1926, donc il est totalement hors contexte par rapport au scénario du... Voilà. Mais c'est pas le seul. Du restaurant, mais c'est... mais c'est tout à fait intéressant de savoir que voilà, c'est un... Et je cherche l'année de composition. Par contre, l'année de composition, je ne l'ai pas. C'est encore plus vieux. Donc voilà, ce vinyle est visible dans le Colonel Hattie's Pizza Outpost et on pourrait l'entendre, mais on ne l'entend pas. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Année de composition, 1896. Voilà, 1896 pour la composition. Allez, nous passons directement ensuite à Fantasyland. Fantasyland. Fantasyland, c'est parti pour la question. Et dans Fantasyland, comment s'appelle l'orgue de Barbarie du carrousel de Lancelot ? Est-ce qu'il s'appelle Big Ali ? Est-ce qu'il s'appelle Big Bertha ? Est-ce qu'il s'appelle Big Daddy ? Ou est-ce qu'il s'appelle Big Nelly ? Et la réponse, bien sûr, c'était donc Big Nelly. Big Daddy, pourquoi Big Daddy ? Vas-y. Big Daddy, c'est le papa maire de la ville dans La Princesse et la Grenouille. Big Ali, c'est un rappeur un rappeur américain qui a fait un featuring avec PZK il y a environ 10 ans et Big Bertha, en fait, c'est la grosse Bertha, c'était pas un orgue, mais c'était un canon allemand qui tirait sur Paris durant la Première Guerre mondiale. Est-ce que Big Bertha était canon? Big Bertha, c'est les bons sons de la oui. Et allons-y, continuons directement pour la question suivante. Voici la question. Quelle musique entend-on dans l'attraction Les Voyages de Pinocchio ? Est-ce que c'est un pantin de bois ? Est-ce que c'est siffle vite vite? Est-ce que c'est la vieille boîte à musique? Est-ce que c'est sans aucun lien? Attention, c'était bien la vieille boîte à musique. Et donc ce n'était pas les trois autres morceaux. Alors, quel morceau on entend du coup dans Pinocchio? Ok, en fait, dans les voyages de Pinocchio, il y a la chanson Aïdididi, qui est le fil conducteur de l'attraction. On l'entend de trois manières différentes en fonction du lieu où est-ce qu'on est, donc dans le théâtre des marionnettes, dans l'île aux enfants, c'est ça? Non, l'île aux enfants, c'est Casimir. L'île au plaisir. Et lorsque ils sont transformés en ânes. Et dès qu'on a fini, qu'on a passé Monstro, on entend When You Wish Upon a Star et puis la vieille boîte à musique, The Little Wooden Box. Et voici la question suivante. Quelle musique est jouée au pays des contes de fées et à Main Street à Noël? Est-ce que c'est la fille aux cheveux de lin? Est-ce que c'est l'aquarium du carnaval des animaux? Est-ce que c'est la danse des sabres? Ou est-ce que c'est la marche des jouets du film Babes in Toyland? Les quatre musiques sont jouées au pays des contes de fées. Mais c'est Babes in Toyland qui est présente et sur Main Street à Noël et sur le pays des contes de fées. Il faut savoir que la marche des jouets, enfin que le film Babes in Toyland, qui est une comédie musicale qui a été en plus produite sous Walt Disney, est un classique des comédies musicales de Noël. Aux États-Unis, bien sûr, mais comme nous le retrouvons aux États-Unis sur Main Street USA, c'est totalement logique de l'entendre dans Main Street, sur Main Street USA à Noël. Et également dans le pays des contes de fées, car c'est magique comme film. C'est une question chiffre qui va arriver directement. La question, la voici. Combien y a-t-il, au dernier comptage, d'instruments visibles dans l'attraction It's a Small World? Est-ce que c'est 45? Est-ce que c'est 62? Est-ce que c'est 93? Ou est-ce que c'est 281? Et la bonne réponse était 62. Si j'ai bien mis 62 dans la... Oui, c'est ça, 62. Il y a 62 instruments de... Et en fait, 281, c'est le nombre d'animatroniques qui sont présents dans l'attraction. 45, c'était au hasard. Et puis 94, en fait, c'est 281 divisé par 3. Oui, pourquoi pas. Hein, Et enfin, la question difficile de Fantasyland. Voici la question. Quel instrument ne serait plus visible dans Peter Pan's Flight? Vous avez deux choix, seulement deux choix. Est-ce que c'est une lyre ou est-ce que c'est un tambour? Et donc, bien sûr, on va voir le leaderboard. C'était bien un tambour. Il y a une mauvaise réponse, normalement, c'est moi. Alors, on a bien dit « ne serait » au conditionnel, vu que vous avez vu dans la dernière vidéo de Peter Pan's Flight, quand c'est le live de Pocahontas. Dans la dernière vidéo de Peter Pan's Flight, on a effacé numériquement Lily la tigresse. Et nous avons, Disneyland Paris a fait en sorte de ne pas montrer les trois natifs américains, je crois qu'ils étaient trois, en train de jouer justement du tambour. Et par contre, la lyre en fait est présente dans les mains des sirènes, tout à la fin. Et donc ça c'était la question la plus difficile. Nous passons donc à Discoveryland. Et c'est parti pour la première question de Discoveryland. Où retrouve-t-on l'orgue original du Capitaine Nemo ? Est-ce que c'est dans Haunted Mansion en Californie ? Dans Les Mystères du Nautilus ? Est-ce que l'orgue original aurait coulé durant le film ? Ou est-ce que c'est au Walt Disney Archives ? Ou Walt Disney Archives ? Oui, on parle bien... Enfin, on parle de l'orgue original du Capitaine Nemo. Mais bon, de toute façon, tout le monde a déjà répondu. Oui, bien sûr, l'orgue original du Capitaine Nemo, c'est celui du film. Et donc, c'était dans Haunted Mansion, en Californie, dans les mystères du Nautilus. C'est une reproduction que nous avons. Et ce n'est pas non plus Walt Disney Archives, et surtout, il n'est pas coulé durant le film. Ça aurait été triste. Et je crois qu'en France, la reproduction en France n'est même pas similaire à celui du film. Oh, elle est pas mal, hein. Mais elle est très jolie aussi, quoi. Non, mais elle est très proche du film, j'ai vérifié. Allons-y directement avec la prochaine question. Compositeur. Qui a composé la musique de Space Mountain, De la Terre à la Lune ? Est-ce que c'est Michael Giacchino ? Est-ce que c'est Bruce Broughton ? Est-ce que c'est John Williams ? Ou est-ce que c'est Steve Bramson ? C'était effectivement Steve Bramson. C'était pas Michael Giacchino ni John Williams. Est-ce que t'as des anecdotes là-dessus ou pas ? Je ne pense pas. Si, pardon, j'ai une anecdote là-dessus. Bruce Broughton a composé la musique du Visionarium. Donc en fait, c'est un peu assez proche. John Williams n'a pas composé la musique de Star Wars Hyperspace Mountain. Et Michael Giacchino a composé la musique de Space Mountain Mission 2. Ok, nous allons passer directement à la question numéro 4. Attention, lisez bien, enfin écoutez bien et lisez bien la question, d'accord ? Quelle information est fausse à propos de la musique d'ambiance de Discoveryland ? Est-ce que l'information fausse, c'est qu'elle est totalement électronique ? C'est qu'elle est diffusée dans un restaurant du resort japonais ? Est-ce qu'elle utilise les mélodies de chansons populaires françaises ou est-ce qu'elle est originale ? Et non, elle n'utilise pas des mélodies de chansons populaires françaises. Les musiques d'ambiance de Discoveryland sont originales. Par qui elles ont été composées d'ailleurs ? David Tolley. David Tolley. Entièrement électronique. On entend un petit peu que c'est des sons, ce qu'on appelle des sons MIDI, des sons d'ordinateur, d'accord ? MIDI, comme le MIDI, sauf que ça veut dire autre chose. Musique, ça veut dire quelque chose. Et elle est effectivement diffusée dans un restaurant du resort japonais. Dans le restaurant, précisément, Horizon Bay, à Tokyo, Disney Sea. Écoutez cette musique. Donc, quelle est cette musique ? Est-ce que cette musique s'appelle Timeless Wonder ? Est-ce qu'elle s'appelle Evening Flight ? Est-ce qu'elle s'appelle The Whimsical Parade ? Est-ce qu'elle s'appelle Christopher's Exploration ? Ça, par contre, j'avoue que c'est très très dur comme question. Donc, est-ce qu'on peut quand même les donner un indice ? Bien sûr. Se situe à Discoveryland. Ça a été composé par David Tolley. Ce n'est pas Atis Mover. Ce n'est pas non plus le Visionarium. Oui, ça a été... Là, c'est joué en live. Hein. Oui. Un peu de contexte. C'est du MIDI. Non, ce n'est pas du MIDI, ça. C'est un vrai piano qui joue. Mais il l'a composé sur des instruments MIDI. Oui. On l'entend en MIDI dans le parc. Il faudrait que je relance Quizizz, du coup. Mais aussi, on peut l'entendre à 16h en MIDI dans le parc. C'est bientôt. Non, il reste encore environ. Ah, c'est fini. Oui, mais. Et la bonne réponse. Vas-y. Ouais, c'est pas sûr. Son téléphone, c'était fini. Je sais pas. La bonne réponse, c'est donc Evenly Flight. Et la version que vous avez entendue est une version donc acoustique, jouée en live par David Tolley, un concert de Noël qu'il fait chaque année. Et il les a. C'est la seule musique qu'il a pu enregistrer pour son propre chef, pour ses albums à lui. Et voilà, elle s'appelle donc Evenly Flight. Donc nous allons passer maintenant à la dernière catégorie. La catégorie spectacle et parade. Et parade. On n'a pas besoin de chanter, on vous avoue. Oh, c'est mignon. Merci, c'est gentil. Par peine, je vais chanter toutes les musiques. Je vais vous chanter la musique suivante. Vas-y. La question lancée. Donc, qui a composé cette musique? Pom, pom. Pom, pom. Pom, pom. Pom, pom. Est-ce que c'est Scott Erickson, Vasily Surly, Jay Smith ou Robert Fenga qui a composé la musique de Dancing a Catchy Rhythm? Time's up. Et la bonne réponse, bien sûr, était Vasily Surly, qui a été directeur musical de 1991 à 2018, si je ne m'abuse. Personne très sympathique que j'ai pu rencontrer, avec qui on a discuté. Quelle chanson. Beaucoup apprécié. Et Dancing Catch Rhythm était la musique de la était la chanson fil conductrice de la parade du monde merveilleux de Disney. Parce que c'est toujours intéressant de mettre le mot Disney dans le nom d'une parade, sachant qu'on sait qu'on est à Disney. Et un jour, vous voyez le mot Disney au parc Astérix, vous ne comprendrez pas. Alors, on a déjà fait 30 questions, hein, il en reste 4. C'est 31, il en reste 4. Quelle chanson n'apparaît pas dans la Disney Stars on Parade? Est-ce que c'est la chanson La Mer? Est-ce que c'est la chanson Zippity Douda? Est-ce que c'est la chanson You've Got a Friend in Me? Ou est-ce que c'est la chanson When You Wish Upon a Star? Et c'est When You Wish Upon a Star, donc, qui n'est pas utilisé, voilà. Par contre, à côté de ça, c'est Zippity Douda, qui est utilisé dans la boucle initiale. La chanson La Mer, c'est la version anglaise, oui, Beyond the Sea, mais elle est chantée aussi en français, hein, dans la chanson. Donc c'est la version de Charles Trenet, bien sûr. J'ai totalement oublié ça, tu vois. Tu vois, moi, je me suis totalement planté sur cette question-là. C'est parti pour la question suivante. La question, bien sûr, quel était le dernier spectacle avant Meet Mickey Mouse? Est-ce que ça a été En Scène, s'il vous plaît? Est-ce que ça a été C'est Magique? Est-ce que ça a été Pocahontas, le spectacle? Ou est-ce que ça a été Winnie l'ourson et ses amis? Pocahontas, le spectacle, on en parle, bien sûr, dans le live sur Pocahontas, l'épisode numéro 5. On vous invite vraiment à regarder ce live, parce qu'on s'est marré sur Pocahontas, le spectacle, justement. Et donc, c'était effectivement Winnie l'ourson et ses amis. Pocahontas, le spectacle, s'est déroulé à anciennement Frontierland Theatre. Alors, Winnie l'ourson et ses amis, initialement sur le théâtre du château, a été mis au Fantasyland Theatre entre 2006 et 2011. C'est magique. Était au Fantasyland Theater entre 92 et 94, c'est lui qui a ouvert d'ailleurs. En scène, s'il vous plaît, c'était entre 95 et 2000, et donc Pocahontas le spectacle à Chaparral Theater. Prochaine question. Question exotique. Comment s'appelle le procédé musical fait par les percussionnistes dans Jungle Book Jive? Est-ce que c'est le padam? Est-ce que c'est le gamela? Est-ce que c'est le konakol? Ou est-ce que c'est le mridang? Et donc la réponse était le konakol, et je vais d'ailleurs vous faire écouter ceci. Je vais voir que je me suis ce que vous entendez ici. Donc ce que vous avez entendu juste avant, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Alors, le gamelan, c'est quoi? C'est un ensemble javanais? C'est ça, un ensemble de percussions javanais ou sri lankais. Le padam, c'est une chanson d'Edith Piaf, mais c'est aussi un... J'étais obligé de la faire, excuse-moi. Un chant ancien, sérieux, dansé par les femmes de Tanjore. Et le mridang, c'est une percussion indienne. Et, mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici la dernière question. À quel élément est associée la première mélodie du spectacle Disney Dreams? Est-ce qu'il est associé à la fée clochette, à Peter Pan, à l'étoile ou à Wendy? Là, c'est même pas de la question E, c'est de la question F. Un petit indice, si vous avez vu beaucoup de productions autour du personnage de Peter Pan, vous saurez répondre à la question. Et la bonne réponse à la question, c'est bien sûr la fée clochette, le tout premier thème que l'on entend dans Disney Dreams. Ah. Merci énormément à tous, vous avez été 13 tout le long, à rester tout le long, et c'était vraiment, vraiment, vraiment super, ça nous fait beaucoup, ça nous fait plaisir, quoi, tout simplement. Totalement. C'est un vrai plaisir d'avoir fait ce live-là pour les 29 ans de Disneyland de Paris. Qui nous fait beaucoup plaisir. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver quand même vite fait, même Alors, si je pense qu'on peut me retrouver sur secretdisney.com, on peut me retrouver sur Twitter, Facebook, même TikTok pour Secret Disney, c'est un truc de fou, j'ai pas compris. Puis on peut me retrouver moi également, Alexandre Gallet, vous pouvez écouter mes albums sur Internet, sur Spotify et autres. Puis c'est déjà pas mal. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, Max? On peut me retrouver sur musicland.home.blog, qui est le site où je répertorie mes différentes recherches analyses sur la musique des parcs et les dessins animés Disney, sur Facebook et sur Twitter à musicland33, et puis sur Instagram à prxmaxime. Où est-ce que dessus, et sur YouTube aussi, où est-ce que dessus je mets des petites reprises des musiques Disney que je fais au fur et à mesure. Je vais t'en faire une bientôt. Mais écoutez, vous savez quoi? On va vous quitter là-dessus et on va vous faire écouter du coup un petit morceau qu'on vous a préparé pour l'occasion. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt. Salut. Goodbye New York Town, goodbye Miss Liberty. Your light of freedom will guide us across the sea. Every soldier's sweetheart beating goodbye. Every soldier's mother's drying her eye. Cheer up, we'll soon be there, singing this Yankee air. Goodbye Broadway, hello friends, we're 10 million strong. Goodbye sweetheart, wives and mothers, it won't take us long. Don't you worry, while we're there, it's for you we're fighting too. So goodbye Broadway, hello friends, we're going to swear our debt to